and gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. On devrait peut-être dire bonsoir vu qu'il fait déjà très très noir. Rassurez-vous, les journées vont bientôt commencer à s'allonger. Enfin, encore 3 petites semaines et puis ça va monter. Je suis très heureux de vous retrouver en ce premier samedi du mois de décembre. C'est presque la Saint-Nicolas. Ceux qui ont été sages, c'est Planète Indie. C'est Pierre avec vous comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. 90 minutes pour découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative et puis aussi le meilleur eh bien, de la programmation culturelle de qualité qui se passe dans la région. On ira évidemment voir le programme chez nos partenaires organisateurs de concerts. On ira faire un petit tour dans le monde merveilleux de la BD. Il y a pas mal de choses à dire ce mois-ci. Et puis on aura bien entendu notre powerplay habituel qui nous emmènera au pays du froid aussi, du côté de la Suède, mais ça c'est pour dans quelques minutes. On va rester dans les pays froids pour commencer cette émission, si vous le voulez bien, avec beaucoup, beaucoup de groupes venus de là-bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 mois, je vous avais présenté l'album Profound Mysteries 2 du groupe Royksopp en powerplay. Je vous avais dit qu'au mois de novembre, ils allaient sortir la troisième série de leur collection Profound Mysteries, et bien voilà, elle est sortie. Et bien je vous propose de commencer cette émission par un extrait donc de ce volume 3 de Profound Mysteries, nouvel album de Royksopp. On va écouter le morceau Just Wanted to Know, et ils sont accompagnés pour l'occasion de Astrid S. Après on ira du côté de la Finlande avec une artiste que je vous ai fait découvrir le mois dernier. Elle s'appelle Kione, et on va prendre de la vitesse, puisque son morceau s'intitule Highway. Allez, restez bien branchés, nous sommes ensemble pour une heure et demie. C'est parti avec un extrait du tout nouvel album de Royksopp, Profound Mysteries 2, Just Wanted to Know, accompagné de Astrid S. to know. Are you letting me go? I'm left here alone, hoping I need you to say something. Just wanted to know. Thank you. Ici on l'adore, elle s'appelle Kion, enfin je sais pas s'il faut prononcer à l'italien puisqu'elle est, elle est finlandaise, Kion, et elle nous a interprété le morceau Highway, et puis on l'a découverte le mois dernier, mais on écoutera encore d'autres morceaux d'elle dans les prochaines émissions. Avant de poursuivre en musique, et comme on a un agenda très très chargé aujourd'hui, bien, je vous propose d'aller déjà voir le programme de notre partenaire de la Rocale. Entre parenthèses, je vous signale que le concert de Sting du mois dernier était vraiment super. J'espère que vous avez eu des tickets, vous êtes pris suffisamment à l'avance pour avoir un ticket. Je vous l'avais annoncé il y a très très longtemps, hein, déjà avant la remise. Si vous avez pu y assister, bah, vous avez vu comme moi que c'était pas mal. Et sinon, eh bien, je vous ai mis une vidéo, la vidéo du morceau Roxanne sur notre groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Il y a la vidéo de ce morceau. Et puis jeudi, c'était le concert Temple of Metal de Within Temptation et Evanescence. Pas le même style. Allez, aujourd'hui, eh bien, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Il y a le Sound of Data featuring Max Cooper et l'événement de clôture de l'année de Esch 2022, capitale culturelle. Je vous en reparlerai un peu plus longuement tout à l'heure, évidemment, si on a le temps, parce que ça va être un peu short aujourd'hui. Mardi, il y avait un concert de Jane Addied. Eh bien, il est annulé et rebelote. Pareil pour le concert de mercredi de Negramaro. Il est annulé aussi. Jeudi prochain, Feu Chatterton se produira au Rock Al Club. Ensuite, vous pourrez voir Era pour sa tournée 2022. Ce sera vendredi. Et puis vendredi, vous pourrez voir aussi Tia Cola. Eux, ils seront, c'est du hip-hop, ce sera au club. Era, c'est dans la salle principale. Et par contre, si vous n'avez pas de ticket, eh bien, c'est déjà sold out. On passe au 11 décembre, dimanche 11 décembre, c'est Julien Clerc. Ensuite, eh bien, vous pourrez voir, je vous parlais de la série des concerts Temple of Metal, eh bien, ça reprend avec le jeudi 15, Amorphis et Eluveti. Je pense que je ne prononce pas très bien, mais bon, les fans m'excuseront. Ensuite, le vendredi 16, il y a le concert de Parov Stellar, mais il est aussi déjà complet. Le samedi 17 décembre, on se rapproche tout doucement de Noël, Moufest. Ensuite, eh bien, le dernier événement prévu pour cette année 2022 se tiendra le 21 décembre avec une organisation conjointe de la Rocale et du ministère de la Culture, les remises des prix, les prix de musicaux pour le Luxembourg pour cette année 2022. Ce sera donc le 21 décembre. Ah non, je ne vous sais pas le dernier puisqu'il y a encore le 22, le Belval Blues. Et pour terminer l'année en beauté, eh bien, c'est un concert qui, blues jazz qui sera gratuit avec en invité d'honneur Geoffrey Sabat, donc le 22 décembre, juste avant Noël, concert gratuit à la Rocale pour ceux qui aiment le blues et le jazz. On poursuit en musique avec Mrs. Cruzaway, interprétée par Joanna Lilvick. C'est extrait de son tout nouvel album qui est sorti, qui est très bien et qui s'appelle The Love Hate Syndrome. Et puis après cela, on écoutera Those Barren Leaves, Hang Low. Et puis ensuite, eh bien, il sera temps d'aller sur notre album Powerplay pour ce soir, dernier album pour 2022. Tout de suite, Joanna Lilvick et Mrs. Cruzaway. How is it possible that anything you wish for never comes true? How is it possible? How is it possible? Everything always turns out the opposite way. Waiting for Robinson to give me a call. Waiting for Robinson to give me a call. Waiting for Robinson to give me a call. And when I get his call, I bring out the stars. How is it possible that anything you wish for never comes true? How is it possible? How is it possible that everything always turns out the opposite way? Stranded on an island where nowhere to go, no food or supplies and nothing left of his boat. What's left to him now is the faith in God. I'd put everything right if he'd just give me a call. How is it possible that anything you wish for never comes true? that comes with love. Tell me it's possible that anything you wish for really comes true. From Rigel, you're listening to Planet Indie, the leading European independent radio show. Hi, my name is Audra. And I'm Pat. And we're Chaser 8, and you're listening to Planet Indie. We'll be right back. l'instant donc dans les oreilles, c'était Those Barren Leaves avec le morceau Hang Low. Avant cela, on était en Finlande avec Joanna Lilvik et Mrs. Crusoe. 17h21. Eh bien, il est temps de partir à la découverte de notre power play. En tout cas, j'espère que la programmation musicale de ce début d'émission vous plaît. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est assez pas mal. Bon, allez, aujourd'hui, c'est assez rare, mais ça arrive parfois. Il se peut qu'un artiste mette tellement d'énergie, de passion, voire même d'amour dans sa première réalisation, eh bien que celle-ci remplit les critères de qualité pour avoir l'honneur d'être présenté et mise en avant comme power play. Directement, eh bien, c'est le cas ce mois-ci avec l'album Life Science du groupe suédois Monster. Je pense qu'ils se sont tellement impliqués dans cette production, qu'ils se sont tellement concentrés sur la musique, eh bien qu'ils ont quelque peu négligé tout le reste. Allez, il faut qu'on comprenne bien que je ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas une critique, loin de là, bien loin de là. Car ce qu'on demande avant tout à un musicien, eh bien, c'est de produire de la bonne musique. Et c'est vraiment le cas ici avec le groupe Monster. Du coup, eh bien, leur site internet est très, très, très, très épuré. Et leur biographie, eh bien, elle se compose à tout casser de 5 petites lignes, ce qui est un peu court pour mes critères à moi qui dois essayer de vous faire une petite présentation, enfin trois chapitres avec 5 lignes, c'est assez réduit, hein, non, mais bon, on va essayer de faire avec. Le groupe Monster, c'est donc un groupe rock underground originaire de la région d'Uppsala en Suède. Donc Uppsala, c'est la 4e plus grosse ville de Suède, elle se situe à une petite septantaine kilomètres au nord de la capitale Stockholm. C'est aussi la ville d'origine de personnalités comme le cinéaste Ingmar Bergman ou encore de Dag Hammarskjöld, qui était, pour les plus anciens ou ceux qui ont encore vu tout cela à leur cours d'histoire, il était secrétaire général de l'ONU de 53 à 61, années où il est mort dans un accident d'avion, si je ne m'abuse. Cet automne 2022, eh bien, voit la sortie de l'album Life Science, la première production du groupe. Eh bien, je vous propose d'en découvrir un premier extrait. J'ai choisi pour cela le morceau Space Child, un titre folk rock sans fioriture et en même temps sans être assommant. C'est même aussi un titre un petit peu mélancolique sur les bords. Eh bien, je vous propose de vous faire vous-même votre propre idée en découvrant donc ce premier extrait du groupe Monster, extrait de l'album Life Science. C'est notre powerplay aujourd'hui dans cette émission 449 de Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Fire, your fingers might get burned, yeah. and I do anything, and I tell you all I know. For what it's worth, I'll follow you wherever you go. Yeah. Faces you meet 'em, greet 'em with your smile. May you stay innocent, free, unspoiled. Voilà, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, émission numéro 449, le groupe suédois Munster, extrait de leur album Life Science. On écoutait Space Child, on écoutera encore deux autres morceaux d'ici la fin de cette émission. On va poursuivre avec une autre nouveauté, Bandit Keith, Dancing in the Sun. J'espère que ça vous plaira autant eh bien, que la programmation de ces 25 premières minutes. 25, que dis-je, 29 premières minutes. Le temps passe, le temps passe. Allez. Dancing in the Sun, c'était donc le groupe Bandit Keys, une nouveauté dans cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver non seulement sur les ondes de RGL 96.6 FM, nous sommes aussi diffusés en DAB+, et puis aussi via Internet, soit directement sur le site de RGL ou le site de Planet Indie. donc respectivement rgl.lu ou ilovemusic.gq, et puis vous suivez le chemin, c'est nous écouter et puis écouter en direct. Et voilà, et puis si vous ratez l'émission, vous pourrez la retrouver diffusée demain aux mêmes heures, donc entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Et puis le podcast de l'émission sera aussi disponible sur le site de Planet Indie. Je vous rappelle donc l'adresse internet de notre site, www.ilovemusic.gq. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Voilà, comme ça j'ai été tout à fait complet. Que vous dire de plus ? Eh bien, on a vu le programme de la Rockale. On va aller en vitesse, je vous dis en vitesse parce qu'il n'y a pas grand-chose à signaler pour ce mois de décembre, sur la programmation de la Culture Fabrique. Ce soir, ça commençait à 17h. Five Years of Vinyl Harvest, c'est de la musique électro. Et puis, alors samedi prochain, c'est de la musique dark folk avec Rome. Et puis, c'est tout pour ce mois de décembre à la Culture Fabrique. Donc voilà une chose de faite, on a passé le programme en revue aussi. On va poursuivre avec un morceau que j'ai reçu de Marson Ramos. Alors il me disait, c'est un morceau spécial pour Halloween, et il me l'envoie deux jours avant la programmation, enfin deux jours avant mon émission du mois de novembre. Donc c'était un peu court, du coup j'ai pas su la programmer pour l'émission précédente. Et puis même si Halloween est déjà passé, eh bien je vous propose donc de l'écouter quand même. Ça s'appelle Zombie Walk. Et après cela, on écoutera avec Bianca De Leon, une autre nouvelle venue dans cette émission. Elle, c'est une chanson de Noël, mais c'est un Père Noël un peu particulier, parce que c'est un Stalker Santa. Ce sera la chanson de Noël. On n'est pas spécialement des fanatiques des chansons de Noël, mais pourquoi pas. Allez, tout de suite, Marson Ramos, Zombie Walk. Under the cold stone of your grave, you feel very bad and cry so sad. After all, you are new. Our means coming and new. We'll be at dinner and you can't do anything, and your future will be sinister. If you don't have anyone to talk, join us in our zombie walk. A band of raggeds dragging our chains through the town, screaming people were scared by the evil ghost come. A fire thirst for blood, we all night long mess around. It's fixing to the zombie time. Scared if you don't have anyone to talk, join us in our zombie walk. Elle s'appelle Bianca De Leon, c'est la première fois qu'on l'entend dans cette émission. Elle nous interprétait le morceau Stalker Santa, avant cela c'était Marson Ramos et sa chanson Zombie Walk. On n'est pas un groupe politique, mais cette chanson, elle est sortie toute seule de nos esprits. Voilà comment le groupe Thrift Bakery m'a présenté ce morceau qui s'intitule The Moskva. Moskva, c'est la rivière donc, qui passe à Moscou. Donc je pense que vous vous doutez bien de quoi ce morceau va parler. La Moskva, ça faisait aussi était aussi au centre d'une chanson à l'époque, d'un morceau des Scorpions qui s'appelait Winds of Change. Bah, les Winds of Change, il ferait bien de souffler de nouveau un peu plus fort. Donc on va les écouter, et puis toujours en parlant de cette actualité géopolitique, j'étais donc, je vous l'ai dit en début d'émission, au concert jeudi soir de Within Temptation et Evanescence, et puis la chanteuse du groupe Evanescence, elle s'appelle Emily, elle a dédié donc le morceau Raise Your Banner, qui on peut traduire par eh bien lève haut ton drapeau, donc au peuple d'Ukraine. Je vous ai mis une photo d'elle en train de chanter avec un immense drapeau ukrainien qu'elle a fait danser pendant plusieurs minutes. Donc vous pouvez aller la voir sur notre groupe Facebook ou sur notre compte Twitter, cette photo de la chanteuse du groupe Evanescence avec le drapeau ukrainien. Pour l'heure, eh bien, nous écoutons donc cette production de Thrift Bakery avec ce morceau intitulé The Moskva. Et puis après cela, eh bien, il sera temps de retourner sur notre album Powerplay, celui du groupe suédois Munster. Was a stormy night in April, in the year of 22. The Mad Tsar invaded Ukraine, barbarians rent the world through. ship of the Black Sea Fleet, with nuclear-tipped missiles, she was the one to beat. Slava Ukraini, glory to Ukraine, sink the bloody orcs beneath the briny main. Stars flew over Odessa and struck the great ship's sides. With a groan she capsized, the Black Sea poured inside. Mighty explosions followed, roiled the foaming waves. The Moskva, it was sinking, and debts were being paid. Slava Ukraini, glory to Ukraine, sink the bloody orcs beneath the briny main. The Turks fished out 52, no other sailors were saved. 458 men that night went to a watery grave. Drinking, his eyes were filled with fear. His arrest warrant had been drafted, his dying time was near. Slava Ukraini, glory to Ukraine, sink the bloody orcs beneath the briny main. The Russians lied at first, looked incompetent. The truth was hardly better, it was inconvenient. The free world, it rejoiced as the Moskva, it went down to Davy Jones' locker. Had no real renown. Slava Ukraini, glory to Ukraine, sink the bloody orcs beneath the briny main. Slava Ukraini, glory to Ukraine, sink the bloody orcs beneath the briny main. Voilà, c'était un peu spécial, Thrift Bakery avec ce morceau de Moskva. 17h46, on est pile poil à la moitié de notre émission. Comme vous le savez, on se retrouve chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 eh bien, pour vous proposer le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Et puis nous avons donc chaque mois un powerplay à vous proposer. On en écoute 3 extraits et on fait une petite présentation du groupe. Donc retour à l'instant sur la saga du groupe Monster. On va essayer donc de trouver quelque chose à en dire après avoir fait tout à l'heure la promotion touristique de leur ville d'Uppsala. Le groupe se compose de l'énigmatique, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qui se trouve mentionné sur leur, dans les 5 lignes de leur bio sur leur site. L'énigmatique donc Olof Lundberg, il chante, il joue de la guitare et il joue aussi des claviers. Il est accompagné de ses potes Marcus Wickman à la basse, Michael Henström qui l'accompagne à la guitare et Henrik Nilsson à la batterie. Monster offre une musique rock qui n'est pas lourde, c'est plutôt une sorte de mélange, un pot-pourri de légumes à la fois du folk rêveur et planant de la musique pop-rock influencée par groupes britanniques et qui s'étale sur les 10 plages que contient l'album. Le groupe s'est formé un peu par hasard, plutôt en mode projet temporaire au départ. Ensuite, eh bien, après avoir constaté que la mayonnaise prenait entre les musiciens mais aussi avec le public, eh bien, les protagonistes ont choisi de se donner une assise un peu plus stable et de s'inscrire dans la durée. C'est ainsi que le groupe est petit à petit devenu une sorte de petit dernier dans la nouvelle vague suédoise. Eh bien, je vous propose d'écouter un deuxième extrait qui s'intitule « When the winds bend the grass », qu'on pourrait traduire « Quand le vent fait se courber l'herbe ». C'est un morceau rempli de sonorités variées qui s'échappent comme des odeurs d'un pot pourri. C'est donc notre power play aujourd'hui dans Planète Indie, le groupe Munster. Power play. Power play. Long ago, back in time, you were young then. You did shine that July morning, clear as glass, and the wind bent to grass for you. Now you're old. Is weak, you're almost dead, and maybe your mind lives in the past when summer winds bent to grass for you. C'est le power play de cette émission Planète Indie 449, le groupe suédois Munster avec un album intitulé Life Science. On écoutera encore un extrait d'ici la fin de cette émission. Je voudrais évoquer avec vous maintenant un ouvrage, puisque vous le savez, d'ici quelques minutes, dans environ 18h10, 18h15, on ira faire un tour dans le monde de la bande dessinée comme on le fait chaque mois depuis quelques années maintenant, hein, ça fait un bout de temps. Un ouvrage qui, même s'il n'est pas orienté purement bande dessinée, eh bien, a plus que d'étroites connexions avec cet univers. Il s'agit d'un livre qui est une adaptation de la thèse de doctorat de Florian Moine consacrée à la maison Casterman. L'image de Casterman, eh bien, elle est étroitement associée aux aventures de Tintin, dont le succès commercial et la postérité critique éclipsent parfois la riche histoire de la maison. L'exploration des vastes archives Casterman offre un nouveau regard sur cette entreprise bicéphale, donc à la fois maison d'édition et imprimerie, dirigé par la même dynastie familiale de sa fondation, a tourné en 1776 jusqu'en 1999, date de son rachat. Le livre explore ainsi les mutations de l'entreprise et de sa production depuis les lendemains de la Grande Guerre jusqu'au processus de globalisation éditoriale à la fin du XXe siècle. L'étude commence donc plus ou moins à la fin de la Première Guerre mondiale, donc au moment où Louis Gérard Casterman, représentant de la cinquième génération d'entrepreneurs, impulse un nouveau cycle de croissance à l'entreprise. C'est une étude historique qui se lit presque comme un roman, car il faut dire que c'est quand même une brique, hein, elle fait plus de 500 pages. Et il faut parfois digérer certains détails, mais c'est très très intéressant et de vivre l'aventure d'une telle maison quasiment de l'intérieur, et aussi de découvrir la contextualisation de certaines décisions et de certaines stratégies qui ont été adoptées eh bien, par les dirigeants, notamment par exemple à l'époque où Hergé a lancé en plus des albums de Tintin, le journal de Tintin, et on voit un peu comment Casterman s'est concentré, elle, sur la production des albums, et le journal de Tintin, elle a complètement laissé de côté. C'est d'ailleurs pas Casterman qui a édité le journal de Tintin, c'est les éditions du Lombard, et qui, eux, sont plus vu le potentiel multimédia. C'est eux qui ont fait les films avec la société Belle Vision, je crois, qui ont adapté les aventures de Tintin eh bien, en dessin animé. Ils ont fait les 2-3 films qu'il y a eu, les figurines et tout ça. Donc Casterman, eux, se concentraient sur leurs livres, et puis Hergé et Lombard ont développé le journal de Tintin, et puis on voit comment ça s'est développé à l'international aussi. C'est très très intéressant. Donc c'est un livre qui s'appelle Casterman de Tintin à Tardis, c'est sorti aux Impressions Nouvelles. Je vous mettrai sur le groupe Facebook une petite appréciation, un petit commentaire, ainsi que la photo de la couverture de l'album. Voilà, il fallait en parler. Et puis si vous pensez que ça intéresse quelqu'un, c'est un beau cadeau aussi pour les fêtes, hein. Je vous dis, c'est une grosse brique, c'est très très très intéressant. Allez, retour à la musique avec qui est-ce qu'on va écouter? Ah ben les Fedras, hein, le frère et sœur Fedras. Et ils sont venus, on les a découverts le mois dernier. Et bon, on les réécoute avec cette fois-ci Awakening. Et puis après, retour de groupe de Mystics avec un nouvel album. On les avait proposé en powerplay avec leur album précédent. Et bien, ils reviennent avec un nouvel album. Et on écoutera un morceau qui s'intitule I'll Do It For You. Allez, place aux Fedras et Awakening. Today. Hi, this is Selena Martin, the person, and this is Planet Indie, the station. Hey, this is Cliff of the Pink Dust, and you're listening to Planet Indie. C'est le grand retour du groupe The Mystics, un groupe de reprises à l'origine. Et puis ils ont commencé à développer leurs chansons originales. Ils reviennent avec un nouvel album, True Vine. Et nous, on écoutait le morceau I'll Do It For You. Je vous avais annoncé bien la capsule BD vers 18h10. On est un petit peu en avance. Eh bien, c'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui, on a encore des dossiers à vous proposer. Hein. Donc aujourd'hui, on va aller dans un monde féerique. Je vous propose de découvrir un album, le volume 1 du Paris des Merveilles. Le volume 1 s'intitule Les Enchantements d'Ambremer. Pardon. En 1909, Louis Denisard Hippolyte Griffon, gentleman un peu dandy, vit à Paris. Il est également mage, membre du cercle Sian. À ce titre, il reçoit la visite de Carrard, directeur du Richelieu, un club de jeu à la réputation irréprochable et à la clientèle triée sur le volet. Depuis peu, l'un de ses nouveaux membres, un certain Jérôme Sébrier, fait preuve d'une chance insolente qui menace la stabilité financière de l'institution. Carrard le soupçonne de tricher en usant de magie lors des parties et sollicite l'aide de Griffon pour le démasquer. Les aveux de Sébrier mènent Griffon sur la piste d'un trafic d'objets enchantés au cœur duquel se trouve la boutique de l'antiquaire Alandrin. Lors de sa visite sur place, sous les traits de son ami Faussière, le mage croise la route de la baronne de Saint-Gilles, une très séduisante férénégate, espionne et cambrioleuse. De retour de Pologne où elle vient d'échapper à un kidnapping des soldats du tsar lancés à sa poursuite, elle cherche à écouler un lot de lettres compromettantes qui semblent attiser beaucoup de convoitises. Au même moment, la comtesse de Bressieux, au charme de laquelle Griffon n'est pas insensible, lui demande d'emprunter un ouvrage à la bibliothèque d'Ambremer, la capitale de l'outre-monde, le royaume des fées, des licornes, des ogres et des dragons. Voilà pour le résumé de ce volume. En attendant que les fils conducteurs des différentes intrigues finissent par se tisser ensemble, il est nécessaire d'assimiler rapidement les codes de ce monde rempli de magie, d'heroic fantasy avec de légers accents gothiques et d'héritages moyenâgeux, notamment aux pays d'outre-monde. Heureusement, des éclaircissements sont intégrés pour ceux qui ne sont pas familiers des romans de Pierre Pével, dont ce volume est une belle adaptation. Si ce premier tome est censé définir le cadre de l'histoire, celle-ci s'avère déjà dense, conséquence inévitable et assumée du nombre limité de pages. Les personnages appelés à jouer un rôle sont nombreux, rendant indispensable de bien situer chacun à sa place, surtout pour ce qui est des représentantes du beau sexe. Très agréable, le dessin combine lignes claires et caricatures et propose un niveau de détail bien balancé. Les couleurs qui oscillent entre bleu électrique et ton plus chaud haussent encore le niveau général et participent au rendu de l'atmosphère. L'ambiance belle époque, mélange d'art nouveau, d'élégance tant masculine que féminine, de progrès technologique, pensons aux métropolitains, et de fêtes foraines constitue un cadre merveilleusement approprié pour cette fable enchanteresse. Eh bien, pensons à nouveau au métropolitain qui permet de rejoindre l'outre-monde grâce à une ligne dédiée. Le scénario doit concentrer les spécificités de cet univers tout en offrant rebondissements, tentatives d'enlèvement qui parfois aboutissent, affrontements, course-poursuite, mystère, enquête policière, etc. Il semble se déliter en tous sens. On peut se demander pourquoi prévoir différents cercles de magiciens, quelle place occupe vraiment Ambremer dans le récit. Eh bien, le très attendu second volume devrait dès lors livrer les éclaircissements idoines. La transcription en cyrillique de certains phylactères pêche par de trop larges approximations pour atteindre son but et engendre plus d'incompréhension que de réelles valeurs ajoutées. Ça, c'est pour le petit bémol. En conclusion, eh bien, il s'agit d'un livre consensuel, malgré ou grâce au mélange des genres qui sont à la fois du polar et du féerique. Ce livre plaira à un large public. L'environnement steampunk fait mouche et les personnages ne manquent pas de charisme. La qualité de forme qui se remarque dès la couverture renforce l'impatience générée par le format court. Tout ce qu'on peut dire pour clôturer cette appréciation, eh bien, c'est vivement la suite. Le volume 2 devrait paraître d'ici peu. Je vous ai mis la couverture ainsi que la conclusion de mon analyse sur notre page Facebook, et puis vous retrouvez l'ensemble, la fiche de lecture complète, et bien sur le site internet. Je vous rappelle l'adresse www.ilovemusic.gq. Je vous rappelle le titre de l'album, Le Paris des Merveilles, le volume 1, Les Enchantements d'Ambremer. C'est sorti, c'est très récent, ça vient de sortir au mois de novembre, et donc c'est sorti chez Draco, 48 pages, et c'est de Pierre Pével et de Willem pour ce qui est de cette adaptation donc, du roman de Pierre Pavel. Retour à la musique avec Dan Navarro et un morceau intitulé Tar Pit. Been a long, long time walking out in the desert. Hadn't seen another soul for a while. My heart was dry and I didn't know better than to ever disbelieve my eyes. Then I saw it out in the distance, cool blue behind a misty gray. I knew right then, with God as my witness, the water could wash me away. I slipped into a tar pit, water looked real, cool and inviting like I wanted to feel. Slipped into a tar pit, pulling me down, swallowed me up without a sound. Slipped into a tar pit, tar pit, tar pit. Mile after mile, dragging the weight of the world, had me crawling down on my knees. My mind played tricks and I couldn't see the line between redemption and reality. Then I feasted my eyes on a shimmering vision, it was beauty like I'd never seen. I lost my mind to the cool apparition, the siren was calling me. Slipped into a tar pit, water looked real, cool and inviting like I wanted to feel. Slipped into a tar pit, pulling me down, swallowing me up without a sound. Slipped into a tar pit, water looked real, cool and inviting like I wanted to feel. Slipped into a tar pit, pulling me down, swallowing me up without a sound. Slipped into a tar pit, tar pit, tar pit. Yeah. Situation gonna burn, burn, burn. Sooner or later, got to learn, learn, learn to find my way out of there. And the circle will turn, turn, turn. Light the fire and watch it burn, burn, burn. Sooner or later, got to learn, learn, learn to never go back again. Stripped into a tar pit, water looked real, cool and inviting like I wanted to feel. Stripped into a tar pit, pulling me down, swallowed me up without a sound. I stepped into a tar pit, water looked real, cool and inviting like I wanted to feel. Stepped into a tar pit, pulling me down, swallowed me up without a sound. I stepped into a tar pit, tar pit, tar pit. Voix un peu rauque que vous venez d'entendre, eh bien, c'est celle de Dan Navarro. Il nous interprétait le morceau intitulé Tar Pit, cet extrait de son album Horizon Line, un album sorti cette année. Son site internet www.dannavarro.com. Pas de difficulté, ça s'écrit comme ça se prononce avec deux R. Pour ne pas faire de jaloux, eh bien, on va repasser en revue aussi le programme de notre autre partenaire, qu'est l'abbaye de Neumünster. Eh bien, c'est toujours son programme jazz du dimanche essentiellement, puisque demain, vous pourrez voir le RL Besson Quartet. Eh bien, donc si je ne m'abuse, c'est à 11h dimanche prochain. Rock Gebhardt Trio, le guitariste de renommée internationale, avec ses grands projets autour de son big band. Toujours le 11 du 12, Nicky Ninja and Afro Beethoven. Ensuite, le 15, c'est Vague, Klein et Herbender. Voilà, voilà. Et ensuite, le 18, le Funkifying Project, un groupe uni par sa passion pour Tower of Power ainsi que pour Earth, Wind and Fire. Et puis après, eh bien, on arrive au mois de janvier, ce qui me permet aussi de faire la transition pour vous signaler, eh bien, que la prochaine émission en direct de Planet Indie, elle se tiendra donc le 4 janvier 2023. Bah oui, l'année 2022, elle a été à une vitesse VV prime. Je me souviens qu'on l'avait débuté ensemble puisque cette année-ci, eh bien, le premier samedi de janvier 2022, c'était le 1er janvier. Bon, évidemment, elle avait été préenregistrée parce que le 1er janvier, eh bien, j'étais pas là pour vous présenter une émission en direct. Pour l'heure, je vous avais parlé aussi en passant en revue le programme de la Rockal tout à l'heure. Je vous avais dit que je vous aurais parlé plus longtemps de l'événement de Sound of Data. C'est l'événement de clôture du projet de l'année culturelle européenne 2022, EDGE 2022. Événement de clôture donc avec Max Cooper et les artistes de la résidence. C'est aujourd'hui, ça a déjà commencé. Il y a peu, mais ça a déjà commencé. Pour vous mettre dans le contexte, eh bien, depuis mai 2022, une dizaine d'artistes sont en résidence au Rock Lab, donc dans le cadre de The Sound of Data, un projet de EDGE 2022, capitale européenne de la culture. Un projet porté conjointement par le Fonds national de recherche, l'Université du Luxembourg, le Luxembourg Institute of Science and Technology et le Centre de musique amplifiée Rockal. Pour ce projet, eh bien, des chercheurs luxembourgeois ont collecté des données scientifiques qui ont ensuite été utilisées par des artistes locaux et internationaux pour produire de la musique en s'appuyant sur la sonification des données. Vous pourrez découvrir donc le résultat de ce processus créatif et innovant et voir les musiciens se produire sur scène donc ce 3 décembre aux côtés de Valérie Vermeulen et de la tête d'affiche Max Cooper, une icône de la musique électronique qui présentera son nouvel album dans un spectacle live immersif. Cet événement se déroulera en deux temps. Depuis 17h45, donc ça a commencé il y a une demi-heure, au Rockal Floor, eh bien, il y a une conférence de clôture officielle avec une conversation avec Max Cooper, suivie d'échanges avec les musiciens Paul Bellardi et Catherine Elsen, les chercheurs Olivier Glassy et Jamila Awada, ainsi que le partenaire artistique du projet, le docteur Valérie Vermeulen. Et puis à 20h, eh bien, concert final, ça se passe toujours au club de la Rockal avec les artistes locaux et internationaux de la résidence qui joueront leurs compositions en live, suivies de Valérie Vermeulen et de Max Cooper. Tout ça, c'est eh bien, ce soir à la Rockal. Donc, moi, ce que je vous propose, eh bien, vous attendez 18h30, encore un petit quart d'heure et on a fini. Et puis, vous pouvez vous y rendre. Je pense qu'il y a encore des tickets. Il y a encore moyen sûrement d'obtenir des tickets pour cet événement. Je ne suis même pas sûr qu'il est payant. Si ça se trouve, il est gratuit. Ça, c'est bien possible. Donc, voilà. C'était pour décrypter cet événement EDGE 2022. On vous en a parlé aussi tout au long de l'année des différentes manifestations qui se sont déroulées dans ce cadre. Retour à la musique, ensuite on retournera sur notre album Powerplay de Lead Monster et puis je vous parlerai encore des Luxembourg Music Video Night, ce sera pour 2022 mais il faut déjà s'y prendre maintenant, vous allez voir ça va aller très vite. Donc on va réécouter David Crosby and the Lighthouse Band avec un morceau qui nous ramène en arrière, 1974 pour ceux qui ne parlent pas ou ne comprennent pas l'anglais. Comme vous pouvez le constater, c'est enregistré en public. Love. Oui, c'est pas pour moi les applaudissements, malheureusement. C'était pour David Crosby and the Lighthouse Band avec ce morceau intitulé 1974, enregistré en public. Allez, retournons sur notre album Powerplay pour la troisième et dernière fois ce soir, l'album Life Science du groupe. Munster, troisième chapitre donc de la saga Munster, comme indiqué tout au début de cette histoire, eh bien, leur BIOS est réduite au minimum syndical, et comme le groupe est assez jeune et que Life Science est leur premier album, eh bien, il est peu aisé de dégoter des informations pertinentes à leur sujet. Je pense que globalement, on a déjà fait le tour. Bah oui, autour des cinq lignes de leur bio, vous pouvez aller voir sur le site internet, hein, www.moenster.se, Munster.se. Vous verrez que je ne vous raconte pas des cracks. Je pense que donc on a fait le tour. Je viens de vous signaler l'adresse de leur site internet. Et puis, je vais aussi vous signaler que parmi les 10 chansons, il y en a une qui est interprétée en suédois, et bien, tandis que les autres sont évidemment en anglais, comme vous avez pu le constater. À ma connaissance, aucune n'a jusqu'à présent été choisie comme single, mais elles ont toutes le potentiel pour l'être. Donc, troisième et dernier extrait, le morceau intitulé Celebration. Cet extrait de Munster. Je vous ai mis un lien, parce qu'il n'y a pas de vidéo non plus, ils n'ont pas de vidéo non plus. Je vous ai mis un lien pour aller faire une pré-écoute de l'album. Je ne sais pas si c'est sur Spotify, je ne sais pas si vous aurez accès à tout, mais allez voir. C'est sur notre groupe Facebook. Vous tapez Facebook dans Planet Indie. C'est l'inverse. Vous tapez Planet Indie dans Facebook et puis vous rejoignez la communauté. On sera très heureux de vous y accueillir. Powerplay. You got sunlight in your hair. You've got oceans. You got breathing air. And you got mountains at your feet. You got roses lining your street. Celebrate yourself. Celebration. Know you need to celebrate yourself. You're the crown of creation. Though you bleed at times, lonely ways you move will get you nowhere. You got nothing to prove, and you won't need nobody's help, 'cause there's no one, there ain't nobody. You are all alone. Voilà, c'était notre Power Play, le groupe Munster avec Life Science. Je vous avais parlé du Luxembourg Music Video Night, je devais vous en dire plus. Et bien comme chaque année depuis 7 ans, la Rocale s'associe au Luxembourg City Film Festival pour présenter au public des vidéoclips réalisés au Luxembourg par des artistes, réalisateurs et créatifs locaux. Cette projection sera gratuite et aura lieu au Ciné Utopia le vendredi 10 mars 2023. Alors si vous êtes groupe, artiste, réalisateur, et bien saisissez votre chance de présenter en avant-première votre vidéoclip lors de ce célèbre festival de cinéma. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes et c'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas traîner, elles sont ouvertes jusqu'au 22 décembre 2022. Donc dépêchez-vous, une attention particulière sera accordée aux vidéoclips inédits. Et bien pour plus d'informations, vous allez sur rocklab.lu et vous trouverez toutes les informations. Voilà, donc on arrive tout doucement à la fin du programme Planet Indie pour 2022. Je dois encore vous signaler quelques sorties BD parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties en cette fin d'année, et bien évidemment en période de fête, donc il y a pas mal de nouveautés. Je peux vous proposer qu'une seule bande dessinée par émission. Je voudrais en faire plus, je sais pas, je vais essayer de trouver peut-être un moyen d'en faire plus, je ne sais pas. Mais pour l'heure, j'ai quelques suggestions à vous faire bien pour cette fin d'année. Chez Dargo, eh bien, vous avez j'ai sélectionné deux albums qui vous plongeront dans la Grèce antique. Un album consacré à Aristote et l'autre consacré à Astérios, le Minotaure. Chez Grand Angle, eh bien, la très bonne album Indians, c'est la nouvelle compilation de Tiburce Auger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais présenté il y a quelques mois de cela son album Go West Young Man avec l'histoire de cette montre qui... un album comme ici fait de petites histoires où il y avait un élément central, c'était cette montre qui voyageait d'une histoire en histoire, donc on la suivait au cours des différentes histoires. Donc voilà, de nouveau un album, un western qui sent bon la poudre et la boue, Indians de Tiburce Auger. Et puis chez Dupuis, j'ai sélectionné trois albums. Le nouvel album de Jean-Claude Servet, Régional de l'Étape, donc vous savez qu'il est originaire de la Gaume, la belle Gaume, un album intitulé Belle M. Le nouvel album des aventures de Blake and Mortimer, 8 heures à Berlin. Et enfin, le tome 2 de Noir Burlesque, un album dont je vous ai présenté la critique il y a quelques mois de cela. Voilà, voilà. On arrive donc à la fin de cette émission, à la fin de cette année 2022. J'espère que vous avez apprécié de passer cette heure et demie chaque premier samedi du mois en compagnie de Planet Indie. On se retrouve bien entendu en 2023. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, bonne année et bonne Saint-Nicolas. Merci à Saint-Nicolas qui est passé au studio ici aussi. Et on se retrouve donc en 2023, le 4 janvier. Cette émission sera donc rediffusée demain aux mêmes heures, entre 17h et 18h30. Et puis vous retrouverez le podcast de l'émission aussi bien dans notre groupe Facebook que sur notre site internet www.ilovemusic.gq. Je vous le dis encore une fois, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année. Enfin, bonne année, je vous le dirai le 4 janvier au cours de notre prochaine émission. Et place au dernier morceau pour 2022, Jerry Canisto avec Sunken Submarine. Passez une bonne soirée, portez-vous bien et à bientôt. Nights. ask why.